de Paris, Eldorado, mets en crème sous le soleil de Bamako. Passeur dépassé, au risque de ta vie, encore toujours marcher vers la Seine-Saint-Denis. Métro de la haine, la fin du voyage. Trade africaine, trouver un passage. Pour pouvoir enfin espérer. Exploiter. Mais ma vie n'apporte rien. Mal payé. Mais un salaire, c'est déjà bien. Vivre caché. Pour ne pas se faire prendre, toujours lutter, réussir à se vendre. L'argent pour le pays, la famille à tout prix. C'est entêtant là-bas, 10 euros à Paris, pour pouvoir enfin espérer. Des jours meilleurs, laissez passer les sans-papiers. À défaut de laisser passer un peu d'humanité. Laisser passer les sans-papiers. À défaut de laisser passer un peu d'humanité. Lundi de pluie, loin du regard des Parisiens. L'espoir s'enfuit, pris par un contrôle anodin. Étranger, absence d'identité. Expulsé, sécurité bien ordonnée. La terre de liberté s'est encore dérobée. Mais m'a dit tu n'es plus qu'un sale immigré. Pouvoir encore espérer. Des jours meilleurs. Laissez passer les sans-papiers. À défaut de laisser passer un peu d'humanité. Laissez passer les sans-papiers. À défaut de laisser passer un peu d'humanité. Vol de nuit sous les lumières de Roissy. Des pleurs et des cris. Destination Mali. Voyageur de la peur, vivre ici est un leurre. Bâillonné, ligoté, expulsé sans papier. Mais Madi le sait bien qu'il refera le chemin.